Là, tu touches une entité. L'entité, c'est la société. La société qui a une identité, qui est le fruit, la causalité de siècles et de siècles d'histoire. Et là, tu demandes à la société, qui est constituée par nous, à la société de s'éveiller. Non, c'est juste pas concevable. Un groupe pour qu'il s'éveille, ce sont tous les éléments du groupe individuellement qui doivent s'éveiller. Et l'entité sera le fruit de cet éveil individuel, qui devient collectif, du coup. Mais je ne peux pas demander à un collectif de s'éveiller. Ce n'est pas possible. La société, comment elle évolue, la société depuis des millénaires, elle évolue au millimètre. Vous n'oubliez pas quand même que aujourd'hui on a une espérance de vie de 80 ans dans notre pays, hein, c'est pas partout. Il y a un siècle en arrière, elle était peut-être de 65 ou 70 ans, et il y a 3 siècles en arrière, elle était de 45 ou 50 ans. Donc, est-ce que sur l'échelle de l'humanité, on arriverait à calculer depuis à peu près 4 millions d'années où il y a la race humaine qui a commencé, Lucie qui a commencé à se développer, combien y a-t-il eu de milliards, de milliards, de milliards d'individus qui sont passés en 4 millions d'années? Et on sort juste de l'âge de pierre, là. Hein. Il y a encore des gens qui se font décapiter dans la rue, il y a encore des barbares. La société n'est pas encore éveillée. Mais quand je parle de société, je parle d'humanité. Par contre, entre il y a 4 millions d'années et aujourd'hui, certes, il y a eu un magnifique éveil qui s'est produit. Et voyez le temps que ça a mis. Alors, je dirais que peut-être dans 4 millions d'années, tout le monde sera sage. Parce que ça se reproduit. Pourquoi j'ai intitulé ce poème ce soir Transmission? C'est pas pour rien. Voilà. Cet enseignement, il prend du temps. Pourquoi il prend du temps? Parce que voilà, il me faut déjà avoir 40 balais ou 50 balais pour déjà commencer à comprendre, à faire le boulot sur moi. Alors, tant mieux pour les personnes qui commencent plus jeunes. Et à partir de là, bah après, il faut vite que je le passe à quelqu'un, ça. J'en fasse des petites, ce truc-là. C'est bon, ça fait du bien à tout le monde. Parce qu'après, je meurs. Donc, c'est la relève derrière qui prend le relais. Et ainsi de suite. Donc, c'est fragmenté tout ça. Et non seulement c'est fragmenté, mais ça ne touche que quelques personnes. Quand on prend l'histoire du bouddhisme qui a 500 ans avant Jésus-Christ, il y a 600 millions de pratiquants dans le monde. On est 9 milliards. Quand on voit la qualité de cette philosophie, vous voyez que donc chacun est dans ses croyances, chacun est dans son concept, mais pas tout le monde fait le boulot. C'est bien de croire. C'est magnifique de croire en Dieu, de croire en Allah, de croire en qui vous voulez, en Bouddha, de croire en... C'est magnifique. Tant mieux si les gens ils sont en connexion avec leur Dieu et avec leurs croyances. À partir du moment où ils en font quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Et tout le monde n'a pas cette conscience-là, malheureusement. Tout le monde n'a pas cet apprentissage-là. Donc en fait, au niveau de la société, il n'y a rien à faire. Il n'y a que des individualités. Et c'est là où on voit que l'ego, il est très fort. Donc c'est très complexe, hein. Il y a le plan matériel qui est très puissant, hein. N'oubliez pas que le jeu, justement, ce fameux jeu, c'est le premier... Alors c'est pas tout à fait le premier, puisque le premier aspect matériel, ça reste le corps physique. Mais après, sur le plan verbal, c'est le jeu. Le premier contact avec le monde matériel. Donc, l'ego est très fort dans nos sociétés. Et tous ces peuples, les Amérindiens, les gens qui vivaient en Amazonie, etc., qui étaient pleinement en contact avec la nature, on a détruit leur écosystème pour justement pouvoir chauffer une toute petite minorité de la population mondiale. Et avoir des beaux parquets en bois, avoir des beaux chalets. Voilà, mais qui coûte des millions à la fabrication et qui ne sont réservés qu'à une minorité. Donc l'ego est ultra puissant. On n'hésite pas de détruire d'un côté pour faire du profit de l'autre. C'est ainsi. On ne peut pas lutter contre ça. Le but d'Esprit-Cœur et de l'école Kadvaita, ce n'est pas de rentrer dans la rébellion. Hein, c'est au contraire, c'est de pouvoir s'éveiller soi-même et donner un petit quelque chose à l'humanité, planter des graines à notre niveau. Et c'est ça, c'est déjà beau, le petit colibri, n'oubliez pas. On n'a pas d'autres prétentions.